38e chapitre. Comment tous les hommes du seigneur Dietrich furent tués. On entendait de tous côtés de si grandes lamentations que les tours et le palais retentissaient à ce bruit. Un des hommes de Dietrich de Vérone l'entendit aussi. Comme il se hâta d'aller porter cette importante nouvelle. Il parla au chef. « Écoutez, monseigneur Dietrich, de tout le temps que j'ai vécu, certes je n'ai entendu de plus grandes et de plus effroyables plaintes que celles qui viennent de frapper mon oreille. Il me semble que le roi lui-même a succombé dans cette fête. Comment, sans cela, seraient-ils tous en si grande affliction? Le roi ou Kriemhild, l'un des deux, est mort, tué par la haine de ses hôtes hardis. Un grand nombre de guerriers superbes pleurent épouvantablement. » Le prince de Vérone répondit « Mon fidèle, très chéri, ne vois tes poings si fort. Quoi qu'aient pu faire ces guerriers étrangers, ils y ont été poussés par la nécessité et laissez-les jouir de cet avantage que je reste, moi, en paix avec eux. » Alors le hardi Wolfhart dit « Moi, j'irai là-bas et j'apprendrai ce qu'ils ont fait. Et ensuite, mon maître bien-aimé, je viendrai vous dire ce que j'ai vu et quel peut être le motif de ces plaintes. » Le seigneur Dietrich parla. Quand on s'attend à rencontrer de l'irritation, alors les questions indiscrètes que l'on fait affligent vite l'âme des guerriers. C'est pourquoi, Wolfhart, je ne veux pas que tu les interroges. Il ordonna à Helpfrich de se rendre au palais et de demander, soit aux hommes d'Etzel, soit aux étrangers, ce qui était arrivé. Jamais on n'avait vu des gens en si profonde affliction. L'envoyé se mit à interroger. Qu'est-il donc arrivé? Un guerrier lui répondit. Tout ce que nous avions d'amis dans le pays des Younen a été tué. Voilà, gisant à terre, Rudiger, tombé sous les mains des Burgondes. Pas un de ceux qui étaient venus avec lui n'a échappé. L'affliction d'Helpfrich fut au comble. Jamais il n'avait reçu une nouvelle avec plus de douleur. Il retourna vers Dietrich en pleurant. Qu'avez-vous donc appris? Dit Dietrich. « Pourquoi pleurez-vous si amèrement, brave Helpfrich ?» Le noble chef répondit. « Ah, il m'est bien permis de gémir fortement. Les Burgondes ont tué le bon Rudiger. » Le héros de Vérone reprit. « Dieu n'a pu le permettre. Non, ce serait une trop forte vengeance et un tour du démon. Comment Rudiger aurait-il mérité un pareil sort? Car je le sais, il est tout dévoué à ses étrangers. » Wolfhart répondit. « Ah, s'ils ont fait cela, il faut qu'il leur en coûte la vie à tous. Si nous le supportions, ce serait une honte pour nous. Le bras du bon Rudiger nous a rendu de si grands services. » Le chef des Amelungen ordonna de prendre des informations plus sûres. Il s'assit à une fenêtre, plein d'amers soucis. Puis il dit à Hildebrandt d'aller vers les étrangers afin de savoir d'eux-mêmes ce qui s'était passé. Ce guerrier hardi dans les combats, maître Hildebrandt, ne portait à la main ni arme ni bouclier. Il voulait se rendre courtoisement auprès des hôtes quand le fils de sa sœur lui fit une rude observation. Le farouche Wolfhart lui dit « Si vous allez là-bas sans armes, vous ne tarderez pas à recevoir leurs outrages et vous serez obligé à une retraite honteuse. Mais si vous vous présentez bien armé, chacun vous respectera. » Suivant le conseil du jeune homme, Hildebrandt prit ses armes. Avant qu'il s'en aperçût, tous les hommes de Dietrich avaient mis leur armure et portaient l'épée à la main. Cela affligea le héros, comme il eût volontiers voulu l'éviter. Il demanda où il voulait aller. « Nous voulons vous accompagner parce que Hagen de Troneil est si audacieux pour le mal qu'il pourrait vous parler avec insolence, ainsi qu'il lui arrive souvent. » Entendant cela, il accéda au désir des guerriers. Le brave Volker vit s'avancer bien armés les héros de Vérone, les hommes de Dietrich, ceints de leur épée et portant le bouclier au bras. Il en avertit ses maîtres du pays Burgonde. Le joueur de viol parla. « Je vois venir vers nous avec une allure hostile les hommes de Dietrich armés et le casque en tête. Ils veulent nous combattre. Je crois qu'il en arrivera malheur à nos étrangers. » Au même moment arriva Hildebrandt. Il déposa à ses pieds son bouclier arrondi et se mit à interroger les hommes de Gunther. « Hélas, bon héros, que vous avez fait, Rudiger? Mon maître Dietrich m'a envoyé vers vous afin de savoir si la main de l'un de vous a tué le noble Margrave, ainsi qu'on nous l'a dit. Nous ne pourrions supporter une aussi grande perte. » Hagen de Tronheil répondit, « Ce qu'on vous a dit n'est point un mensonge. Oh, comme je voudrais que votre messager vous eût trompé et que Rudiger fût encore vivant. Je l'aimais tant. Hommes et femmes peuvent le pleurer à jamais. » Quand ils eurent bien entendu qu'il était mort, les guerriers le pleurèrent, ainsi que les y portaient leur attachement au héros. On vit les guerriers de Dietrich verser des larmes qui coulaient sur leur barbe et sur leur menton. Ils éprouvaient une profonde douleur. Le duc de Vérone, Sigestap, parla. « Maintenant a pris fin la félicité que nous avait procurée Rudiger après nos jours malheureux. La joie d'un peuple exilé gît là à terre, tué par vous, ô héros !» La bonne épée des Amelungen, Wolfwin, prit la parole. « Quand je verrai aujourd'hui mon père mort, je n'éprouverai pas une plus grande peine que de la perte de Rudiger. Hélas, qui va consoler maintenant la femme du bon margrave ?» Animé par la colère, le guerrier Wolfhard parla. « Qui guidera nos héros dans leurs nombreuses expéditions, comme le margrave l'a fait si souvent ? Malheur très noble Rudiger, que nous t'ayons perdu ainsi !» Wolfbrandt et Helpfrisch, ainsi que Helmnot, avec tous leurs amis, pleurèrent sa mort. Les soupirs empêchaient Hildebrandt d'en demander davantage. Il dit, « Maintenant, guerrier, faites ce pourquoi mon maître m'a envoyé. Enlevez de la salle pour nous le donner le corps de Rudiger, en qui ont péri si lamentablement toutes nos joies, et laissez-nous lui rendre encore hommage pour tout le bien qu'il nous a fait à nous et à tant d'autres hommes avec un si grand dévouement. Nous aussi, nous sommes exilés comme Rudiger la bonne épée. Pourquoi nous réduire à supplier ? Laissez-nous l'emporter, afin que nous puissions encore, après sa mort, honorer le héros, comme nous aurions tant voulu le faire durant sa vie. » Le roi Gunther, nul hommage n'est si précieux que celui que rend un ami à son ami mort. Agir ainsi, voilà ce que j'appelle de la fidélité et de la constance. C'est avec raison que vous lui êtes reconnaissant. Il vous a montré beaucoup d'affection. « Combien de temps prierons-nous encore ? » s'écria le brave Wolfhard. « Puisque par vous, nous avons perdu notre plus chère consolation, et que désormais nous ne jouirons plus de sa présence, laissez-nous le porter là où nous enterrons les guerriers. » Volker répondit à ces paroles. « Personne ne vous donnera ce corps, mais venez le prendre dans la salle où le guerrier est gisant, tombé dans le sang avec de profondes blessures. Ainsi sera complet l'hommage que vous rendrez à Rudiger. » Le vaillant Wolfhard parla. « Dieu sait, seigneur Ménestrel, qu'il ne faut point nous provoquer. Vous nous avez fait assez de mal. Si je l'osais en présence de mes maîtres, il vous en arriverait malheur. » Mais il nous faut demeurer en paix, car il nous est interdit de combattre. » Le joueur de viol répondit, « Celui-là est trop prudent, qui renonce à faire sa volonté, parce qu'on le lui a défendu. Je ne puis dire que ce soit là les sentiments d'un vrai héros. » Ce discours de son compagnon d'armes plut à Hagen. « Cela ne vous réussira pas, » dit Wolfhard. « Je désaccorderai tellement les cordes de votre instrument que vous ne vous en vanterez pas lors de votre retour au bord du Rhin. Je ne puis sans déshonneur supporter votre arrogance. » Le ménestrel reprit. « Si vous troublez les douces harmonies de mes cordes, sous ma main, votre casque brillant perdra tout son éclat. N'importe comment, je m'en retournerai au pays des Burgondes. » Wolfhard voulait s'avancer sur lui, mais Hildebrandt, son oncle, ne le lui permit pas et le retint fortement. « Je crois que tu veux te livrer à la colère inconsidérée du jeune homme, et tu perdrais ainsi pour toujours la faveur de notre seigneur. » « Lâchez le lion, maître. Sa fureur est au comble, » dit Volker la bonne épée. « Mais s'il tombe sous ma main, quand son bras aurait dompté l'univers entier, je lui donnerai un coup qui lui coupera toute réplique à l'avenir. » L'âme du héros de Vérone s'enflamma de fureur. Wolfhard, ce bon et rapide guerrier, brandit son bouclier et, comme un lion, se jeta en avant. Tous ses amis le suivirent à l'instant. Quelque prodigieux que fussent ces bonds vers les murs de la salle, le vieux Hildebrandt arriva d'abord sur les degrés. Il ne voulut point le laisser engager avant lui le combat. Ils trouvèrent bientôt dans les étrangers les adversaires qu'ils cherchaient. Maître Hildebrandt bondit vers Hagen. On entendit les épées retentir aux mains de ces deux héros. Ils étaient animés d'une grande rage qui éclatait à tous les yeux. Un vent rouge de feu jaillissait de leurs épées. Ils furent séparés dans la violence du combat par la force et la valeur des guerriers de Vérone. Maître Hildebrand se détourna de Hagen et le fort Wolfhard se jeta sur Volker le Hardi. Il asséna sur le bon casque du ménestrel un coup tel que le tranchant de son épée en entama le fer. Le joueur de viol le lui rendit avec tant de force que sous sa main l'armure de Wolfhard lança des éclairs. Ils firent jaillir le feu de leurs cottes de mailles, car ils étaient animés l'un contre l'autre d'une furieuse haine. Wolfwin, ce bon guerrier de Vérone, le sépara, ce qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait été un héros. Gunther le vaillant repoussa d'un bras infatigable les illustres combattants du pays des Amelungen. Le superbe Giselher teignit des flots d'un sang rouge plus d'un aume brillant. Dankwart, le frère de Hagen, était un homme farouche. Tout ce qu'il avait fait auparavant contre les guerriers d'Etzel n'était que du vent. Maintenant, il se battait réellement avec rage le fils du brave Aldrian. Richard et Gerbart, Helpfrich et Wishart, ne s'étaient jamais épargnés dans aucun combat. Ils le firent ressentir aux hommes de Gunther. On voyait Wolfbrand marcher superbement dans la mêlée. Le vieux Hildebrand se battait comme un furieux. Beaucoup d'entre ces bons guerriers succombèrent abattus dans le rang par l'épée de Wolfhard. Ainsi, ces hommes bons et vaillants vengèrent Rudiger. Le seigneur Ziegestap se battait obéissant à l'impulsion de son courage. Ah, que d'excellents hommes il hacha à ses ennemis dans cette bataille, le fils de la sœur de Dietrich. On ne pouvait mieux se conduire dans la mêlée. Voyant que le hardi Ziegestap faisait ruisseler le sang sur les bonnes côtes de maille, le fort Volker fut saisi de colère et s'élança à sa rencontre. Bientôt, Ziegestap eut perdu la vie par les mains du ménestrel. Il se mit à lui donner un si brillant échantillon de son talent que le jeune homme reçut la mort de sa terrible épée. Le vieux Hildebrand le vengea comme le lui imposait sa valeur. « Malheur ! S'écria maître Hildebrand. Mon cher seigneur Gila, tué par la main de Volker. Maintenant, le joueur de viol ne peut vivre plus longtemps. Qui aurait pu être plus terrible que le vaillant Hildebrand ? Il frappa Volker si violemment que les débris de son casque et les ferrures de son bouclier volèrent de tous côtés contre les murs de la salle. Ce fut la fin du fort Volker. Les hommes de Dietrich se pressaient au combat. Ils frappaient si rudement que les mailles des armures jaillissaient au loin et que les pointes des épées volaient dans les airs, et hors des casques, ils faisaient couler des ruisseaux de sang fumant. Hagen de Trondheim aperçut Volker mort. C'était en cette fête la perte la plus douloureuse qu'il eût faite parmi ses hommes et ses parents. Hélas, comme effroyablement Hagen se mit à venger le héros. « Non, le vieux Hildebrand ne jouira pas de son triomphe. La main de ce héros a abattu mon aide fidèle, lui, le meilleur compagnon d'armes que j'eus jamais. » Il leva plus haut son bouclier et s'avança hachant devant lui. Helpfrich le fort tua Dankwart. Ce fut une grande douleur pour Gunther et pour Giselher quand ils le virent tomber dans l'affreuse mêlée. Il avait de ses vaillantes mains vengé d'avance sa mort. Quoiqu'il y eût là, réunis contre leurs petites troupes, tant de princes puissants de mains pays divers, si les chrétiens ne s'étaient pas rangés contre eux, ils auraient repoussé tous les païens grâce à leur courage. Cependant, Wolfhard allait de ça et de là, abattant sans relâche les hommes de Gunther. Il traversait pour la troisième fois le lieu du combat, et main et retombait à terre, frappé par son bras. Le fier Giselher interpella Wolfhard. « Malheur, quel féroce ennemi nous avons rencontré ! Noble et brave chevalier, tournez-vous de ce côté ! Je veux vous aider à mettre une fin à tout ceci, cela ne peut se prolonger davantage. » Wolfhard se tourna vers Giselher. Dans le combat, chacun d'eux fit à l'autre main de profondes blessures. Il s'élança vers le jeune roi avec tant de vigueur que sous ses pieds le sang jaillit jusqu'au-dessus de sa tête. Animé de colère, le fils de la belle Watt reçut Wolfhard, le héros vaillant, avec des coups rapides. Quelque fort que fût ce guerrier, il devait succomber. Jamais roi si jeune ne fut aussi vaillant. Il atteignit Wolfhard à travers sa bonne cuirasse si rudement que le sang jaillit jusqu'à terre. Il blessa à mort l'homme lige de Dietrich. Nul autre qu'un héros n'aurait pu porter pareil coup. Quand le hardi Wolfhard reçut cette blessure, il laissa tomber son bouclier. Puis, des deux mains, il souleva une puissante épée très tranchante. Le héros frappa Giselher à travers son bouclier et sa cotte de maille. Ils s'étaient donné réciproquement une mort affreuse. Le fidèle de Dietrich ne pouvait pas conserver la vie. Quand le vieux Hildebrandt vit tomber Wolfhart, jamais, je crois, dans sa vie il n'éprouva peine plus grande. Tous les hommes de Gunther et ceux de Dietrich étaient morts. Hildebrandt se rendit à la place où Wolfhart était tombé dans le sang, et il prit dans ses bras le guerrier bon et hardi. Il voulut l'emporter hors du palais, mais la charge était trop lourde, il dut l'abandonner. L'homme blessé à mort et gisant dans le sang tourna ses yeux vers son oncle et vit bien que volontiers il aurait voulu l'enlever de là. Le moribond parla. « Mon oncle bien-aimé, il ne faut pas en ce moment vous dévouer trop à moi. Gardez-vous de Hagen, voilà ce que je crois qu'il faut faire. Il porte dans son cœur des sentiments féroces. Et si mes parents veulent me plaindre après ma mort, vous, le plus proche et le meilleur d'entre eux, vous direz de moi que s'il me pleure, c'est son motif. Je suis tombé tué glorieusement sous les coups d'un roi. J'ai aussi d'avance si bien vengé ma mort que les femmes de main bon chevalier en verseront des larmes. Et si quelqu'un vous interroge, vous pourrez répondre aussitôt que de ma main j'ai abattu plus de 100 ennemis. » Hagen, pensant au ménestrel à qui le brave Hildebrandt avait enlevé la vie, parla au héros. « Vous porterez la peine de ma douleur, car vous avez enlevé aujourd'hui tant de braves guerriers. » Il frappa sur Hildebrandt si fortement qu'on entendit résonner Balmung, que Hagen le hardi avait enlevé à Siegfried après avoir tué le héros. Le vieillard se défendit, il était aussi très brave. Le guerrier de Dietrich asséna sur le héros de Trondheim un coup d'une épée très large, dont le fil était excessivement tranchant, mais il ne put blesser le fidèle de Gunther. Hagen, au contraire, l'atteignit à travers sa bonne armure. Quand le vieux Hildebrandt eut reçu cette blessure, il craignit de plus graves atteintes de la main de Hagen. L'homme de Dietrich jeta son bouclier sur son dos et, malgré sa profonde blessure, échappa à Hagen. Nul des combattants n'était plus en vie. Nul, hormis deux seulement, Gunther et Hagen. Le vieux Hildebrandt marchait tout baigné de son sang. Il apportait de tristes nouvelles à Dietrich. Il vit cet homme assis, plein de douleur, et maintenant il allait faire éprouver au prince une plus grande affliction encore. Voyant s'avancer Hildebrandt dans son armure toute rougie, il lui demanda des nouvelles, poussé par l'inquiétude. « Dites-moi, maître Hildebrandt, comment êtes-vous tout baigné du sang échappé de vos veines et qui vous a porté ce coup? Je pense que vous vous serez battu avec les étrangers dans le palais. Je vous l'avais défendu. Vous auriez bien fait de l'éviter. » Il dit à son seigneur, « C'est Hagen qui m'a fait cette blessure dans la salle, tandis que je voulais éviter ce guerrier. C'est avec peine que j'ai sauvé ma vie des mains de ce démon. » Le Véronais répondit, « Cela vous est justement arrivé, car m'ayant entendu parler de l'amitié qui me liait à ces guerriers, vous n'auriez pas dû rompre la paix que j'avais contractée avec eux. Si je ne craignais la honte, vous perdriez la vie. Ne vous irritez pas trop vite, mon seigneur Dietrich. Vraiment, en moi et en mes amis, le dommage est trop grand. Nous voulions emporter le corps de Rudiger, mais les hommes du roi Gunther ne voulurent point le permettre. Malheur à moi! Quelle douleur! Rudiger est-il mort? Je le pleurerai toujours. Ah, mon désespoir est profond! La noble Götelind est la fille de la sœur de mon père. Malheur aux pauvres orphelins qui sont à Berlaren. » Cette mort lui apportait le deuil et l'affliction. Il se prit à pleurer, il ne pouvait s'en défendre. « Hélas, fidèle appui que j'ai perdu, je ne cesserai jamais de pleurer l'homme liege du roi Etzel. Pouvez-vous me dire exactement, maître Hildebrandt, quel est le guerrier qui l'a tué ?» Il répondit, « C'est le fort Gernot, mais des mains de Rudiger, ce héros a été frappé à mort. » Dietrich dit à Hildebrandt, « Dites à mes hommes qu'ils s'arment en hâte. Je veux y aller moi-même. Dites qu'on m'apporte ma brillante armure de bataille. Je veux, en personne, interroger les héros du pays Burgonde. » Maître Hildebrandt reprit, « Qui donc vous accompagnera? Tout ce qu'il vous reste de vivant, vous le voyez à vos côtés. Je suis le dernier de vos fidèles. Les autres sont morts. » Il fut atterré de cette nouvelle, et certes c'était avec raison, car jamais en ce monde il n'éprouva si amère douleur. Il s'écria, « Tous mes hommes sont-ils morts? Alors Dieu m'a abandonné. Moi, infortuné Dietrich, j'étais un roi puissant, superbe et riche. Comment se peut-il faire, dit le seigneur Dietrich, que tous ces héros dignes de gloire aient été tués par ces hommes fatigués de combattre et poussés à bout? Si le malheur ne me poursuivait, il ne connaîtrait pas encore la mort. Mais puisque le sort n'a pas voulu m'épargner plus longtemps, dites-moi, est-ce que quelqu'un des étrangers a survécu? Maître Hildebrandt répondit, « Dieu seul le sait, nul autre que le seul Hagen et Gunther, le glorieux roi. Hélas, cher Wolfhard, t'ai-je perdu, alors j'aurai bientôt regret d'être jamais né. Quoi ? Ziegestap et Wolfin et Wolfbrandt aussi ? Qui donc me viendra en aide au pays des Amalungen ? Elfrich le très vaillant est aussi tué ? Comment pleurerai-je Gerbrat et Wishart ? Oh, c'est aujourd'hui le dernier jour de ma joie. Malheur que personne ne puisse mourir de douleur !»